Bonjour. Aujourd'hui, donc, dans le cadre de cette série de textes autour du zapatisme que je vous lis, à l'occasion de la venue de l'exposition et des rencontres qu'on partage sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ce week-end du 15, 16 et aussi lundi 17 avril 2017, je tenais à vous lire un passage qui aborde un des points qui, moi, m'a le plus touché et sans doute profondément transformé à l'occasion de rencontres que nous avions faites il y a 2 ans en délégation de la ZAD, sur place, sur un grand moment, un temps fort, à l'appel des zapatistes et du CNI au Mexique. En l'occurrence, j'avais pu rencontrer aussi d'autres personnes de France, dont Jérôme Bachet, qui viendra cette semaine, enfin ce week-end sur la ZAD, et Guillaume Goutte, qui ont écrit un petit livret s'appelant « Enseignement d'une rébellion, la petite école zapatiste », qui revient sur leur expérience lorsqu'ils ont pu participer à cette rencontre particulière qui était la petite école zapatiste, où chaque personne passait du temps chez une personne indigène zapatiste et qu'il y a eu un échange énorme de savoir et aussi de questions à cette occasion. Le passage que j'ai choisi évoque, et encore de manière assez douce, la notion d'ego, en fait, qui est quelque chose d'assez perturbant quand on arrive là-bas. Beaucoup de personnes m'ont conseillé, par exemple, de ne pas parler, d'écouter et de me taire et d'essayer de comprendre avant de critiquer, ce qui est une posture très très très typique chez nous, de tout critiquer. Et effectivement, heureusement qu'ils m'ont donné ce conseil-là, que j'ai fait taire au fur et à mesure non seulement ma bouche mais aussi ma tête, pour pouvoir comprendre que je ne pouvais pas comparer et que ça ne servait à rien et que juste il fallait accueillir, questionner, répondre, accueillir, questionner, répondre encore et encore, et ainsi peut-être commencer à comprendre certaines choses, mais jamais les jauger en tout cas. L'autre chose étant que donc la critique est quelque chose de perçu comme quelque chose de très très très mal poli, mais aussi l'ego n'est pas du tout développé, et le pronom « je », « yo », ou dans beaucoup d'idiomes indigènes, ce pronom n'existe pas. Je n'existe pas. Je fais partie du tout. Tout fait partie de moi. Donc, il n'y a pas besoin de se définir. On existe, on est là. Et il n'y a pas besoin de dire je sans cesse. C'est aussi quelque chose qui trouble énormément, qui questionne énormément. Et au final, quand je suis rentrée, je me suis rendu compte que ça m'avait beaucoup allégée sur place, de cesser de me tourner vers moi. Donc voilà, je voulais absolument vous lire un passage qui évoque un peu ça, dans ce petit livre qui s'appelle « Enseignement d'une rébellion, la petite école zapatiste ». Et donc c'est sur la deuxième partie que Jérôme Bachet écrit et transmet. Dans le nœud de l'individuel et du collectif. Le ZLN a choisi de faire découvrir une réalité collective, celle de l'autonomie, sous une forme qui fait une place remarquable à la singularité individuelle. Durant la petite école d'août 2013, il y avait près de 1300 élèves, près de 1300 familles, près de 1300 votan, c'est-à-dire près de 1300 histoires différentes. Du fait de la diversité des situations locales, le choix d'organisation différent selon les zones et les villages, ainsi que de la particularité des interactions entre chaque élève, sa famille et son votan. Le rôle de ce dernier est particulièrement déterminant, au point que le communiqué qui lui est consacré le qualifie de « colonne vertébrale de la petite école ». Ça renvoie à une note. Il est la méthode, le plan de travail, la maîtresse-maître, l'école, la salle de classe, le tableau, le cahier, le crayon, le bureau, la récréation, l'examen et la remise de diplôme au sujet du votan. Outre sa fonction de précepteur, il y a aussi, comme son nom l'indique, votan est à comprendre comme gardien du cœur du peuple, la charge de prendre soin de chaque élève de veiller à ce qu'il ne manque de rien et soit à son aise, même si certains ont pu trouver le soin mis à exercer cette mission trop insistant, voire quelque peu intrusif. Une telle combinaison écarte ce qui pourrait ressembler à un statut spécifique d'enseignement ou d'enseignant, qui séparerait le domaine du savoir des autres aspects de la vie. Au contraire, il s'est agi de nouer une relation interpersonnelle véritable, impliquant une attention intégrale à l'invité élève. Mon expérience a été celle d'une relation forte, nouée avec une personne enthousiaste, incroyablement impliquée dans sa tâche et de manière générale dans le projet zapatiste, s'étant formée avec conscience pour approfondir sa connaissance de l'autonomie et être en mesure de répondre avec précision aux questions relatives à celle-ci, mais aussi respectueusement attentive à ce que tout se passe bien pour son élève, y compris à travers des détails matériels tels que le fait d'être bien installé, sans trop de soleil ou trop d'ombre, mais aussi vigilant à ce qu'il apprenne bien et tire parti au mieux des sessions de travail en respectant scrupuleusement les horaires, même lorsque la faim commençait à se faire sentir son effet et à diminuer la capacité d'attention. Ces tête-à-tête quotidiens de 3 heures étaient consacrés, telle était la règle du jeu, à la lecture commentée des manuels. À mes nombreuses questions, Maximiliano apportait toujours une réponse détaillée et bien informée, témoignant d'une capacité d'analyse transmise avec sensibilité et générosité, tandis que ses yeux brillaient d'une énergie qui semblait inépuisable. À diverses occasions, le cadre préétabli du jeu des questions et des réponses s'éclipsait pour faire place à un dialogue plus libre, une réflexion commune sur certains aspects de l'autonomie, sur les problèmes de l'organisation en milieu urbain, sur notre rêve commun d'un monde libéré de la tyrannie capitaliste. J'ai eu le sentiment d'une chance extraordinaire de bénéficier de cette entière disponibilité à répondre, des heures durant, à toutes les questions que je pouvais me poser. À toutes les questions que je pouvais me poser sur les avancées et les difficultés de l'autonomie. Ce dialogue s'est parfois avéré bouleversant lorsque nous touchions du doigt le fond de notre commune aversion pour l'oppression présente et ce qui fait le ressort le plus profond de la lutte pour un autre monde meilleur. Pourtant, en dépit de l'intensité de la relation interpersonnelle ainsi nouée entre chaque élève et son votan, celui-ci n'est pas un individu au sens moderne occidental du terme. Il est un grand collectif concentré en une personne. Il ou elle ne parle ni n'écoute comme personne individuelle. En chaque votan, nous sommes tous et toutes zapatistes. Il y a quelques semaines, les sous-commandants Moises et Marcos, qui depuis s'appellent Galeano, ont remis la charge de porte-parole de l'OCTLN à des milliers d'hommes et de femmes indigènes. Par leur voix, parlera toute le ZLN. Elle écoutera avec leurs oreilles, et dans son cœur nous palperons le grand « nous » que tous nous sommes. Ainsi, durant la petite école, les ZLN ne comptaient pas 2 porte-paroles comme à l'accoutumée, mais plusieurs centaines. Pour ceux qui ont assumé cette charge, cela a certainement signifié une très grande responsabilité et un poids non négligeable. Surtout, cet extrait du communiqué consacré au Votan invite à mieux comprendre son statut très particulier. Il est à la fois appelé à nouer une relation interpersonnelle, sensible et proche, et, en même temps, il a le devoir de n'être pas seulement lui-même, mais aussi le porte-parole et la présence incarnée d'une force collective. Voilà sans doute l'un des ressorts de la singularité presque paradoxale de la petite école. Tant de place faite aux singularités pour transmettre une expérience fondamentalement collective. C'est pour cela que le Votan est à la fois personne singulière et incarnation du nous zapatiste, et ainsi manifeste que le collectif, tel qu'il est conçu dans son expérience rebelle, n'est en rien la négation des singularités dites personnelles, pour autant que celles-ci ne soient pas oublieuses du collectif qui les porte et auxquelles elles doivent une part essentielle de leur force. C'est du reste ce que mon Votan m'a expliqué avec une impeccable lucidité, habile à dépasser à la fois l'individualisme de la modernité occidentale et l'hypothèse fallacieuse d'un collectivisme homogénéisant. Pour lui, il ne s'agit pas de prétendre d'être tous identiques, et il convient au contraire de respecter les particularités, la manière d'être et les idées propres de chacun. En revanche, ce qu'il faut rejeter de l'individualisme, c'est l'égoïsme qui veut tout pour lui, l'égocentrisme qui ne voit de vérité que dans ses propres idées, l'esprit de compétition qui fait obstacle à l'agir coopératif. Bref, il est nécessaire de rejeter un individualisme qui ne peut se penser que dans l'oubli et la négation du collectif, afin de revendiquer l'affirmation de singularité créative au sein du collectif et soucieuse de prendre soin de celui-ci. Je continue un peu sur le petit passage suivant qui s'appelle « Toucher le cœur ». Ah, il y avait juste une note avant que je vous donne concernant la fin de cet passage sur l'ego, l'égoïsme et le fait de se mettre au service de tous avant tout. Donc c'est un extrait, je pense, du journal de Jérôme Bachet. C'est écrit tout petit. Conversation du vendredi 16 août au matin. Les paroles exactes de Maximiliano, telles que j'ai pu les retranscrire, sont les suivantes. Oui, bien sûr, il faut respecter la manière d'être de chacun. En affirmant qu'il ne faut pas être individualiste, nous ne disons pas que nous devons tous être identiques. Nous sommes tous différents, nous avons nos particularités. Il n'y a aucune raison pour que nous ayons tous la même manière d'être. Mais nous nous référons au fait qu'il n'est pas bon que je veuille tout pour moi, que je vois tout en fonction de mon intérêt personnel. Il ne faut pas que je pense seulement à moi, mais plutôt que je me rende compte de la situation autour de moi. Ce n'est pas mal que j'ai quelque chose en propre, que j'ai des idées en propre. Ce qui n'est pas bon, c'est lorsque je pense que seules mes idées sont valables ou quand je veux tout pour moi seul. Ces paroles sont vraiment hyper fortes, à la fois en période d'élection présidentielle, mais aussi en période de tension dans différents mouvements qui s'écharpent sans arrêt et que c'est fatigant. Voilà, je reprends donc la suite de ce livret, la suite qui s'appelle « Toucher le cœur ». Tous les témoignages de la petite école laissent transparaître une très importante dimension émotionnelle dans la relation avec les familles et avec les Wotam. J'ai vécu, comme beaucoup, l'intensité du moment où il a fallu mettre un terme à un lien aussi privilégié que limité dans le temps. Incontestablement, la forme qu'a prise l'expérience de la petite école a su toucher le cœur de la plupart de ceux qui y ont participé. Accueillis avec une si généreuse simplicité et impressionnés par tout ce qu'ils découvraient, bien des élèves ont eu le sentiment de recevoir plus qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Jean-Robert a évoqué un « don qui ne pouvait pas être rendu », voyant dans l'acceptation de cette situation une leçon d'humilité. Toutefois, il est clair que les maestros zapatistes attendent beaucoup des élèves que nous sommes. Nous avons été invités de manière réitérée à nous organiser et à partager avec d'autres ce que nous avons appris. Il nous revient notamment de contribuer à faire connaître l'expérience de la petite école et à attirer vers elle davantage de personnes. Et, comme l'explique Maximiliano, si les élèves apprennent de l'expérience zapatiste, leur présence est également une aide importante pour les zapatistes. De plus, le fait de pouvoir transmettre force et espérance à autrui est, pour eux-mêmes, source d'un surcroît de force et d'espérance. Il n'empêche. Être élève, c'est d'abord recevoir quelque chose, non point comme une ligne à suivre ou une norme à appliquer, mais bien plutôt comme un magnifique cadeau. J'ai eu aussi le sentiment de recevoir tellement qu'il m'est arrivé de me demander comment être en mesure de remercier à la hauteur de ce qui m'était donné. Mais, outre que je me suis employé, comme bien d'autres élèves, à bien faire mes devoirs, dont le présent texte, il m'est apparu qu'il fallait aussi tout simplement accepter ce cadeau. Un cadeau qui engage, c'est manifeste. et s'en remettre à la magie de l'art de donner sans compter et de recevoir sans compter davantage, grâce à laquelle les énergies de tous se multiplient. Mais ces impressions si fortes que nous avons pu éprouver comme élèves touchent sans doute à quelque chose de plus profond que la seule relation nouée avec notre Votan. Elle a probablement comme fond la force même de l'EZLN, la force d'une lutte de plusieurs décennies, la force de l'édification palpable d'un monde meilleur. Une force qui se manifeste en chacun et chacune de ses membres, et tout particulièrement dans ses porte-paroles temporaires que sont les Votan. Cette force est celle du collectif, de l'organisation qui a patiemment porté les efforts nécessaires pour créer les conditions d'un tel processus de construction. Mais, en même temps, elle s'incarne en tous ses membres. Elle se manifeste en eux et en elles par tant d'attitudes corporelles, de gestes, de manières de marcher, de parler, de regarder, d'être et d'agir. Résistance sereine, digne humilité, amour jovial et étincelle du regard. Cette phrase, c'est tellement ça. Pardon. C'était vraiment super troublant de rencontrer les personnes indigènes qui nous ont accueillis, nous aussi. Et cette malice dans les yeux et cette humilité, c'était un cadeau énorme. Je reprends. Désolée pour ce moment d'émotion. Quand les êtres humains commencent à se défaire de la résignation et de la passivité, sans parler de la soumission et de l'humiliation, quand ils acquièrent le goût de la liberté, font droit à cette faculté et commencent à se gouverner eux-mêmes, se produit en eux une véritable transmutation. Ce qui, alors, émane d'eux, c'est sans doute l'énergie de la liberté, le rayonnement de la dignité que confère le fait d'agir selon ses propres décisions. En un mot, la force de la petite école tient sans doute à la singulière qualité d'humanité qui émane d'hommes et de femmes exerçant véritablement leur liberté. Mais celle-ci ne saurait procéder d'eux seuls, en tant qu'individus, comme le prétend fallacieusement le mythe de la modernité. Ce qui est éprouvé auprès d'eux, c'est un contact privilégié avec l'ensemble du processus de construction collective de l'autonomie. Ce n'était pas la première fois que je faisais cette expérience en terre zapatiste, mais, durant la petite école, je n'en ai pas moins ressenti très profondément le fait d'être en étroite connexion avec cette manière d'être si singulière des zapatistes, et avec l'audacieuse ampleur du projet collectif qui en est la source vive. Voilà. C'était un extrait donc du petit livret qui s'appelle « Enseignement d'une rébellion, la petite école zapatiste », paru aux éditions de l'Escargot, et oui, écrit par Jérôme Bachet et Guillaume Goutte, que je ne remercierai jamais assez de tout ce qu'ils ont... Enfin, voilà, je vais garder tout ça pour l'intime. Mais ce sera un grand plaisir de retrouver Jérôme et d'autres personnes ce week-end sur la ZAD. À très vite. Au revoir.